L'antichambre Radio Les Bords The Groove Factory, comme chaque jeudi soir à 21h avec l'oncle Ben. Bonsoir Elbert. Et moi-même Elbert. Bonsoir à tous chers auditeurs. Au programme de cette nouvelle émission, des nouveautés et de l'actualité, on va dire. Voilà, du tout frais, sorti des disquaires et même, on va dire, des choses qui ne sont pas encore sorties non plus. Qu'est-ce que tu nous as prévu pour nous en dire un peu plus? Alors, il y a un petit 45 tours prévu, c'est le troisième, si je ne me trompe pas, du label Origou, donc, qui est de la division rap du label allemand All Label, donc qui sort son troisième petit 45 tours. C'est le groupe Deep Breeze. Et ça regroupe un duo de producteurs qui s'appelle les Two Hungry Bros. Et puis un MC, c'est je pense Big Deep. Et, ou, non, Big Breeze, pardon. Et ensuite, il y a des invités, surtout sur le deuxième morceau. Des gens que je connais moins. Le seul qui a attiré mon attention, c'est un MC d'un groupe new-yorkais qui s'appelait Arsonist. D'accord, bien sûr. D'habitude, on a l'habitude de Q-Unique, qui en faisait partie. Là, c'est un des autres membres du groupe. Et puis, on aura le droit aussi à des extraits de l'album Vagabond Road de Illspoken et Monsieur Zadjaza. Excellent album que je n'ai pas écouté, mais on n'a que des retours positifs. J'ai beaucoup aimé. Et puis une petite nouveauté qui nous viendra de New York, mais avec une production britannique, je vous en dirai plus tard. Très bien, pour ma part ce sera des morceaux afro-funk et latin-funk, que des choses récentes. Et puis on terminera l'émission, puisque nous sommes dans un contexte politique très fort, très tendu. Notre comparse Whiny Not aka Michel Platine nous a préparé un mix de morceaux américains, je crois, pour la plupart, mais tous engagés. Non, il y a des Français, je crois qu'il y a le Rosset. Ok, ouais. Donc des morceaux engagés qui traitent de politique et de la présidence. Donc on s'écoutera ça en fin d'émission. Des fois que certains n'auraient pas fait leur choix pour le deuxième tour. Tout à fait. Donc là, on va démarrer donc avec le morceau qui s'appelle Project Draw, donc de Deep Breeze, et on enchaînera avec la phase B qui s'appelle Hammer. Donc je remercie les deux gérants du label de m'avoir envoyé ces deux titres en exclusivité. Eh bien c'est parti, c'est Oncle Ben à la sélection, c'est l'antichambre sur Radio Les Bords et The Groove Factory. Bought the supplies, get to art and design, put the thought to the line, lay it out first, bubble figures, background, space for the word balloons, and attack sounds, track down visual reference, then let the pencil grip the essence of whatever it represents, 20% planning, 20% flow, 50% passion, 10% go. I intend to animate the inanimate, handling the panels with more angles than the camera, can imagine if I draw Thor. Go to war, best believe when the hammer break the page and your handle shake. I'm out of shape, I can't escape. I need to go see the doctor, strange or fake. It came as an infant, I trained like a gymnast to draw something fierce like the chains of Olympus. My brain's like a tempest, desire's there, but it ain't rough enough to fuck with the denial and fear. Wild, severe, and sorta intense. As it is, I'm afraid of the lead like the water in Flint. Be having thoughts of all the attempts, and sun getting stopped like it's part of a tent. See, that part's real depressing, part hella pressure to come out of the dark like Frank Miller best. My life was based on comics versus lines. Marvel team up 129. Avengers annual number 10. And the legend of X-Men 137. I used to want to be an artist and animator. I broke it down like Colossus and Gladiator. This irresistible force met a movable object. The object project draw. See that's rap, I done that. The hunger is half. What it was the wrath of student of the cast. Blast Daddy Kane masters. Ill Bill C. Raise walls and Razz cast at least. Fast as Nat off the tip, plus willing to bet I'd surprise Nas and Jay if I repped on shit, but remained independent, intended to fade off. Then thought, this is not what legends are made of. That hit me down to my core. My first love was drawing. All empty spaces, what I saw. My notebooks, way before I made it to art board. Made it so my mom couldn't throw away cardboard. Now, whenever I see blank papers, I feel crazy. On some Uncle Rico tapes, like old man need to heed your pace. Slow down, cause things done changed since I used to throw it down. My life was based on comics versus lines. Marvel team up 129. Avengers annual number 10. And the legend of X-Men 137. I used to wanna be an artist and animator. I broke it down like Colossus and Gladiator. This irresistible force, metamovable object. The object, project, draw. Be like, pardon me, excuse me. Grab a loose leaf, get loose, post a piece in an artist community board. Bold steps, no risk, no regrets. Come to grips with where you regressed and refresh. Reflect on the past like it's last week. With Mike Davis and Gil Ashby or Dennis Cowan. The way that they got down, got pounds from young brothers trying to come up. For not a lot of dough, they helped a lot of bros. And for that thought alone, I need to come up with the motivation, the mentality of hours at the table before I got a salary. Student of anatomy, chief composition, president perspective in terms of position. Approaching every panel like commissions. Time for some action, time to stop fronting and bullshit. Ain't got nothing on this, boy. Ain't got nothing on me, boy. I tell you, I got it. Nothing. Can't hang out with the eight. Stop! Level time! Level time! Huh? Are y'all ready, man? Mr. Hammer. Mr. Hammer, what are you doing? Chop, chop, people. Peso with a shock top, rocking in a drop top. Regal, I block hot pedo. You the type of dude rock hot cock speedos and a guy like Beagle Island. Why you trying to cock block Vito? You not hot, it's like you trying to outbox Neo. Real. I'm the one, check my P-code. Dodge all your bullets, now you busy trying to reload. Please, yo, reload. Me and my amigos trying to be the only people with the ring like Smeagol. You too feeble, can't thread the needle. I'm a war machine, Don Cheadle. The rap game kinda like the crack game, so I move weight till I'm suffering from back pain. Ain't that strange, play the track, man. Bunch of fucking jokers, he is Batman. Salad. I break bread, Swiss, bolognas, and turkey breasts that look like abalonias. Post-workout, post-warm-up, get groomed up, play grown-up. Got folders, they alphabetic, think I'm for credit. How pathetic, when I'm out, forget it, I'm out to get it. Somehow surreal, though not synthetic, as I present it. Plan, purpose, action, reveal reaction, in similar fashion. Diffusion, fuses blown, what keeps you going? The music gone. Hold strong, family bond, Tommy Chong on this lyrical bomb. Like Kong, but do me wrong, I don't die like Swan. Stand in my way, I will drive right on, word up to Ebony Jet. Yes, this veteran text, much better than thought you had to threaten them, you better forget. Eject, when I'm in effect, my radiation, dead your navigation, aces bet. Break a shake a leg with two pegs and a neck, I'm a monster. Flashlight on my head, I dig deep, easily breeze, doing 90 with the heat on my tail and my head. Ah, slip making a run, jumping the gun, an assumption that I ruined the function. Blacked out in the back, all senses jacked, insanity crack, bruh. Ah, tough luck on a crash land, rough patch but I still stand. Both feet on the earth, raising its worth, making it work, look my no hands. Man handed a pen handle, ballroom tangle, dip words, let his head dangle. Manga the grammar, panhandle the gander, hand me the hammer, bang, bang, bang. From the dark side of the game is winding on the island, freestyling with all the natives confining. Moments on papyrus folded up, store them shits in coconuts, throw them in the oceans, hope they make the Matrix document. the argument, convert it all to audibles. Send it to the press and then package it up for all of you. Pass it to the people, progress until it's the new pop. The possibilities are priceless, the tag is too much. View rush, shoulders and colder sex, holding families close. Opposite, on the road, fifth or I'm holding my own. Nautilus, working at home, stretching the dough for more confidence. Book a show, promote that shit in the back on tour. Coming saying, sipping time of the hourglasses, power naps, budget in for shower caps. Never wet behind the ears, novice, peep the prowess, counter office. I'm bombing the comments on me, talking to teleprompters. So tell it on the mountain. I'm chilling in the capsule made of Libra skin. Off the crash, the castle, taking captive all the Peter Pans. Captain of the hooks, oh, you fly, right? Nice tights, pussies need to loosen up. Peace to all the Kegel fans. I'm trying to get the Venus, see what the green is based to do for hearts. Poker face to the pull that card to the ripple starts and a wave of thoughts to the crippled guard. Souls are laced when I'm in that race. I'm still on pace to contradict, spit fire, smoke trees, and save the forest. I'm scorching everything, tongue torching your fortresses. Great digging, dirty dancing with corpses, rocking wedding rings, lust coursing through my nervous system. Is it worth the mission to dig a tunnel and have to be your only vision? No, the prisms in the dark ain't even stage lights. The shine is off the mark and altars are haunted with stage fright. Me, I'm a simple man with a complex outlook, torn from the wrong side of the womb when mom pushed out. The pendulum began to swing, hold the attitude, the total lasso didn't console it. Sweet, it's only me, top cheap, moving mountains in my sleep. Waking up to moles, being told the shit was all a dream. Still a photo scene, feed souls like neck bone, collard greens, warm rose, hunger grows. Pardon me, human minds are minuscule, manipulate your vision pool, dive into your consciousness and confiscate the inner you. Dominate the cause, I hate apostles, fate is visible. Get sleep, stop faking, that shit is pitiful. Every 28 hours, a young black man is killed by the police, and only 2% of police are indicted, and those numbers are crazy. As defined, chokeholds, though not illegal, are unambiguously prohibited by the police department. Do you not understand that life in this country is inherently different for white people and black people? I hear it all day! The police constantly harassing, treat you like a priest. Are you really for peace and equality? Think about it. One problem. Damn straight is called race. Show a little respect to your behavior. Under pressure, they got me. Under pressure, under pressure. America's full of addicts. Blue badges with hit habits. Confederate flag, grand dragons. Lucifer, no telling what they do to your hoses. Nooses, cuffs, they judge every executioner. Hey, Sarge, you afraid of the dark? Clap on, flip switch, hands up. Now the hoodies is off. If you darker than a Mars bar, shit, you a hazard in your park car. Harassment, all stars. You can get that ass kicked. Face stitched back with like Mike Jack, zip jackets, stone gas cans. Pellet with a closed casket. Toe tagged, I warned ya. Better hope a mobile phone records ya. We knew the cool T-boys blew in pursuit, dude. Before the cam crews viewed it on the news. Setting moves, schools denied a history and fear. Indictments on these titans has been rare a couple hundred years. Yeah. The police constantly harassing, treat you like a beast. Are you really for peace and equality? Think about it. One problem. Damn straight is called race. Show a little respect to your behavior. Under pressure, they got me. Under pressure, under pressure. Shit is scary like Bloody Mary. Your mirrors when the fair, the unfamiliar's what really scares ya. Got the boogie monster looking for ya. He's been slept off for too long, so mob called the corridor. There's gonna be a lot of songs to get in the flower, we'll bring it. Black mothers worried about their well-being. Being his Sean Bell rings, the class is over. It's just begun, bust your guns, cast a stone. Them begonias, roses, scrape stones, dirt and boulders. Mountain out of molehills, that's how some folks feel. Until it hits home, they live on, but they still won't tell. Oh, in the argument you started about the unarmed departed, being a law-abiding citizen and you wouldn't have killed her. If he wasn't running, then you wouldn't have killed him. If they weren't resisting, then you wouldn't have killed him. Listen, the new Jim Crow mission lives in the American system. Smart enough. The police constantly harassing, treat you like a beast. Are you really for peace and equality? Think about it. One problem. Damn straight is called race. Show a little respect to your behavior. Under pressure, they got me. Under pressure, under pressure. I dream of. fearing a nightmare where life's not clear. In a clear night where I might stare at some old gray hairs. And I feel like at this price, the plight's not fair. When my fam fight to keep the slight white side near. Disregarding the dark parts and African roots. Younger tribes are confused, nonchalantly dilute. Clueless crew clucked attitude. This is how the raw pain feels. I'm filled with anger and some more strain pills. The plane fell, another hatred makes the wall stand still. The house the love can't build. Somehow the floor's moving. Spinning in the same place, check out my handstand skills. I'm balancing challenges to having this blood with a good blue badge. But knowing how that same badge do blacks. Baggy pants do rat. Two in the back, oops, too bad. Blanket statements getting smothered. I set fire to your comfort. It's Black Lives Matter, cause Black Lives Matter, motherfucker. No time for love ballads. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. And rap talent. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Hardcore, no time for love ballads. Gutter like the path train in Bricks District. The chemistry so insane, it's borderline mystic. Consistent with the lineage of true rap legends. Zero out the percentage to subtract you rap peasants. The same Mac 11's in the streets since the first release. Cops wait corrupt, but on the news they search for peace. Through DNA, feel the presence of BNA. Talk slick, get smacked on sight, repeated late. This is grown man rap for you clowns that never heard it. Drop heat and like Miami, most fans desert it. The way I word it, present it, doctoral thesis. Blood mixed with the ink on the page, it's no secret. Running through your region like Snowden after treason. Hip hop still dead and most of y'all still grieving. I lean down close to his chest and it's still breathing. If we bury it, execs will dig it up and start thieving. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. And rap talent. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Hardcore, no time for love balance. No balance, just verses with passion. Herbs in the chalice, we passing. Benefine G, hip hop everlasting. This a photo with no caption. The spirit of a man since a teen. Your eyes can understand what I seen. Made me hardcore, we play hardball. Never quit, born to fight, you should spar more. This the spirit, you hear it, you feel it in your bones. My appearance, they feel it. In the crowd, I'm there with 100 ghetto bastards feeling like my home. A room full of people, I'm alone. Bring the golden era to the digital. Show that's my physical. Don't in the instant to return like a biblical. Criminal with syllables, my breath is a miracle. Failure's invisible. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. And rap talent. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Hardcore, no time for love balance. Color of green, you know, oh, so motivating. Stack it and watch wolves who forever salivating. No time wasting, no focus, the universal balance. No time hating, I blow the spot up upon challenge. Who name reigns supreme, the smoothest boom back. Press up on the dude, and my goons are pushed back. Sharp counterattacks on my wall, the hood plaques. Doing this as Greg Nizzy said, Dizzy plays the sax. Made the city relax when y'all was out boosting chaps. 31 the hot tracks. This is way before the contract. Voice rhyme with conviction. Choice style is addiction. Boys wild precision, secure drop position. Listen and start to listen, so they bang it in the street. Dialect connects through all lands when I speak. Number one prescribed, y'all don't wanna collide. Like math that's out beside with fans that's court side. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. And rap talent. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. Chills, I flex my skill. School hardcore, no time for love balance. No time for love balance. No time for love balance. No, no, no time for love balance. No, no, no, no time for love balance. Party people, party people. Everybody all over the globe. Party people, party people. Come on, it's time to roll. Party people, party people. Everybody all over the globe. Party people, party people. Come on, it's time to roll. Yeah. big tooth. I mean, everything stopped when I talk to you. And I'm a little bit shocked, but I'm not confused, cause I've seen the light and I've got to move. I'm leaving Long Beach, I'm off to Bristol to meet the allergies and rock the disco. So watch the risk, though. It's the boys DJ. If the dance floor's packed, we paid the way. And you can go and get a ticket, man. You know we're gonna rip it, only kick it at the top of the bill. Can you tell? Toujours aussi groovy, The Allergies, featuring Monsieur Andy Cooper. Nouveau projet sur un nouveau 45 tours qui sort sur le label Jalapeno Records. Donc voilà, moi j'aime, comme je te disais en off, j'aime un peu moins la chanteuse qui fait un peu trop pop. Oui, on peut trouver dommage que finalement le passage d'Andy Cooper est finalement... Déjà, il arrive vers la fin et en plus, il est assez court. Donc, on reste un peu sur notre fin, effectivement, mais le morceau est quand même bien, bien groovy. Tout à fait. Et puis, donc, comme je disais, donc, à part le Deep Breeze, donc, les deux morceaux Project Draw et Hammer, les deux morceaux donc, que j'ai joués au début, donc sortis sur le label Origoo, nous avons donc eu deux titres donc, de l'album Vagabond Road de M. Ill Spoken, donc le MC, et Zadjaza, le beatmaker. Donc voilà, on a MC écouté... new-yorkais et Zadjaza, DJ, MC, producteur qui nous vient de Lyon. Tout à fait. Et qui a construit une belle histoire avec Ill Spoken. Et qui travaille à Dubaï. Et qui travaille à Dubaï. Hein, c'est pas la rêve, ça. Et ils étaient venus tous les deux, je pense. On les avait eu sur Urban Jam, moi, il y a quelques années les de ça. Les premiers, ouais. Hein. Oui, enfin, oui. Ça remonte. Ouais, hein. Exactement. Quand c'était encore au Vernet. Voilà, en plein air. Voilà. Et donc, le premier morceau, donc, c'était le titre éponyme, Vagabond Rose, donc avec un superbe sample de Rare Earth, le morceau I Just Want to Celebrate. Et puis le deuxième, c'était avec un autre Lyonnais, c'est DJ P en guest, c'était le morceau de New GC. Donc voilà, le reste de l'album est quand même très très bon. Là, les deux, je trouve, étaient très rock, les deux morceaux. Après, il y a des morceaux un petit peu plus latins, un peu plus hip-hop, même, je pense, un petit peu reggae. Donc voilà, c'est un panel assez large. J'espère que tu nous en joueras d'autres à l'occasion. Tout à fait. Et puis après, on a eu, alors, là, voilà, c'était les producteurs, c'était les Jazz Pastics. C'est avec un MC, alors c'est pas un projet à eux, c'est le projet du MC. Ça sort sur le label Ill Adrenaline Records. Le rappeur, c'est Beneficence, avec en featuring Monsieur AG du duo Showbiz and AG. Donc un 12 pouces qui sort donc avec le morceau des Jazz Pastics en face A, et puis deux remixes, dont un de Monsieur K-Def. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'eux, enfin longtemps, on va dire quelques mois, mais c'est vrai que, tu le disais tout à l'heure, à chaque fois qu'ils reviennent, ils font mouche. Ils font mouche, tout à fait. On va enchaîner avec ta sélection. Ouais, ouais, on va faire une petite incursion afro-latine et on terminera avec Wine & Not et une session bien, bien hip-hop. D'accord, donc restez sur la fréquence 105.9 de Radio et les Bords avec le mix de DJ LBR. Thank you. Thank you. JLBR nous joue déjà les seigneurs de météo, hein, ils annoncent du beau temps pour cet été. Ouais, j'essaye de faire revenir le beau temps, justement. Exactement. Donc, c'était pas mal de... quasiment que des nouveautés ou des choses en tout cas très très récentes pour cette petite sélection qui a commencé sur des tonalités afro pour finir sur des choses plus latines. On a commencé avec un musicien, un multi-instrumentiste qui nous vient d'Amérique du Sud, qui s'appelle Sham Rock et qui a sorti un joli petit album qui s'appelle African Music by African People sur le label Peng Record, un label anglais, je crois. Donc, un album assez afro, avec une touche traditionnelle, une touche de modernité, quelques vibrations reggae également au passage. Ensuite, on en a pas mal parlé ces derniers temps dans l'antichambre, Dem Juju Poets, c'est définitivement le nouveau blaze de Renegades of Jazz. Donc il avait sorti 2.45 déjà sous ce nom-là, et là il est revenu avec l'album Liberated Thoughts sur le label Matasuna Records, dont on a aussi déjà parlé dans l'antichambre. Donc, et qui s'appelle, Liberated Thoughts, je viens de le dire. Donc, Dem Juju Poets, c'est un producteur qui était plutôt connu pour des choses plus breakbeat, avec une bonne touche de jazz, et qui s'oriente vers des choses nettement plus afro-funk ces derniers temps. Donc, on a écouté le morceau Stone Town Shake Down, et je m'engage à vous diffuser quelques autres morceaux de cet album dans les émissions à venir. Ensuite, un groupe que je trouve vraiment excellent, c'était Ikebe Shake Down, qui a sorti un petit 45 tours en ce début d'année. Et la face A qu'on s'est écouté, c'est le morceau Kuritiba Strut. Et c'est un excellent morceau, bien funk. Ils sont bien... chez qui, je ne me rappelle jamais, au niveau label. Ils sont passés sur plusieurs labels. Et d'accord. Pour tout te dire, ce 45 est sorti chez Transistor Sound, label que je découvre pour l'occasion. Ensuite, nos amis DJ Cléon et Jazzy PJ, qu'on connaît sous le nom Las Bongo in Paris, et on s'est écouté le morceau Ritmo Loco, qui est sorti en toute fin d'année dernière, un morceau super festif qui fait mouche en soirée, celui-là je peux vous le garantir. Et ensuite, c'est ma petite découverte de début d'année. C'est un groupe de 9 musiciens qui vient de Colombie, qui s'appelle la Mamba Negra. Ils ont sorti un album qui s'appelle El Calle Hueso y su Mala Maña. Ne me demandez pas de vous traduire tout ça. En tout cas, ils viennent donc de Cali, Colombie, et ils incarnent un petit peu le renouveau de la samba, de la salsa colombienne. Un excellent album qui est vraiment très Latin funk, hein, forcément, et qu'on vous recommande. Et on aura l'occasion d'écouter aussi d'autres morceaux de cet excellent groupe, la Mamba Negra. Et bah très bien tout ça. On revient à des choses plus sérieuses. On revient à des choses plus sérieuses. On a trouvé un troisième candidat pour le second tour de l'élection présidentielle. Je crois qu'il va procéder à un recours en justice pour essayer de poser sa candidature. C'est pas gagné, mais on le soutient. Votez pour DJ Whiny Notes, ça pourrait être qu'un bon président. Et en tout cas, on peut vous dire que son programme est inspiré des rappeurs les plus engagés, qu'ils soient américains ou français. Et pour illustrer tout ça, il nous a préparé un petit mix maison qu'on va s'écouter tout de suite dans l'antichambre et The Groove Factory. Très bien, donc on se dit à la semaine prochaine. Rendez-vous sur les deux médias que je viens de citer à 21h jeudi prochain. Ciao. Bonne soirée à tous. Que t'as 5 minutes à m'accorder. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Ouais. Petit, je l'aime. Petit pays, je voulais te dire deux mots. Je te parle en ami, vu qu'on se connaît depuis le berceau. Je t'aime bien, mais laisse-moi juste te dire que parfois tu délires et souvent tu fais pire. T'as 60 millions de gosses à assumer, des petits anges, des petits diables. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends que parfois, à table, tu pètes un câble. Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes quand tu les laisses dormir dehors alors que c'était mauve. La rumeur court sous les ponts et sur les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et que tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent, tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs, je continue de t'aimer. Petit pays, je t'aime beaucoup. Ouais. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, tu m'as vu pousser. Depuis 28 ans, toi, t'as pas vraiment changé. À peu de choses près, tu tiens les mêmes propos, les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau. Tiens, regarde, j'ai retrouvé de vieux clichés. On y voit le port de Nantes, en couleur sépia, je te reconnais pas. Qui sont ces hommes enchaînés? Au-dessus de l'image, cette liste, c'est quoi? Petit pays, pourquoi dans ton journal intime avoir déchiré des pages et effacé des lignes? Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Avec ta langue maternelle et celle de tes ancêtres, tes enfants n'en font qu'à leurs lettres. Ils te parlent et tu restes te blêmes quand ils disent je te quitte pour te dire je t'aime. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Écoute. Petit pays, je t'aime beaucoup. Yeah. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. J'espère que tu prendras note de tout ça en tout cas. Ouais. Petit pays, tu as du caractère. Tu sais dire non et on peut pas te la faire à l'envers. T'as des valeurs, une culture métissée. Mais qui sait, demain tu mangeras peut-être épicé. On se lasse au bout d'un moment. Difficile de partager l'ordinaire. Alors du coup, toi, tous les 5 ans, tu te dégotes un nouveau partenaire. Parfois, à cette occasion, tu bois comme un ivrogne. Et tu te réveilles au lit avec un borgne. Tu le mets dehors, mais comme t'es accro, tu bois trop. Et finis sous les draps d'un escroc. Petit pays, ne le prends pas mal. Car tu sais qu'au fond, je t'apprécie. Mais s'il fallait que tout mon sac te déballe, s'il te plaît, dis-moi que tu m'aimes aussi. Petit pays, je t'aime beaucoup. Ouais. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays. La Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles. J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles. Le regard débridé, le pelage blanchi. Je bégaye presque sans plus d'accent. Les mêmes problèmes qu'il y a des décennies. Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages. Tués par des hommes, eux-mêmes tuant leur propre image. Mais les chansons et les danses de résistance, dans leurs insultes intenses, embellissent et chantent la France. Mon père a combattu Vichy et collaboration. Expert en faux papiers, sauve les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il offre l'humanité sans prendre l'accord du président. La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance. La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance. Pas français, pas de récompense, pas de problème, il sauve la France. Se créer la censure crée un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante, chante, chante la France. Le secret et la censure crée un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante, chante, chante la France. La pensée de négritude aux écrits d'Aimé Césaire. La langue de Kateb Yassine dépassant celle de Molière. Installant dans les chaumières des mots révolutionnaires. Enrichissant une langue chère à nombreux d'années de la terre. La pensée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense. Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence. Tous ces esprits dont la fronde a embelli l'existence. Leur renommée planétaire aura servi à la France. Nos pays lointains sont loin mais fiers comme une mère. Patrie voyant son enfant parti mais qui jamais ne l'oublie. Qui défie l'intégration si d'amnésie il s'agit. Rentre dans la patrie si c'est pour en être grandi. Moi j'ai des pays cassés, ce ne sont pas des prothèses. Liés par parenté, je ne peux les mettre entre parenthèses. Et personne n'a à me dire le pied sur lequel je danse. Qu'elle m'accepte comme être multiple et je chanterai la France. Le secret et la censure crée un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante, chante, chante la France. Le secret et la censure crée un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante, chante, chante la France. Pays jalousé par tant d'autres grâce à sa riche histoire. Mais à user le passé on récolte respect trop mince. Alors on duplique la grande Amérique et sa victoire. Et à force de copier on ne ressemble qu'à sa province. Et les ghettos s'agrandissent, s'appauvrissent, c'est romantique. Personne n'avait besoin de ça, la pauvreté à outrance. Quelle différence entre nous et le bougre outre-Atlantique. Allez savoir pourquoi c'est plus dur de chanter la France. Je n'irai pas en guerre, je n'ai pas de terre comme fierté. Je n'ai pas de terroir mais des hectares de citoyenneté. Qui peuvent aussi se défendre à main armée. À force d'être intégré, on finira donc incarné. Quitte à chanter quelque chose, je chantonne l'humanité. Tout en demandant à ce pays d'admettre que telle est sa chance. Et quand les portes restent closes, il s'agit de s'impliquer. Car c'est de ces échymoses que peut se construire la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante, chante, chante la France. Le secret et la censure créent un long silence. Un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante, chante, chante la France. En règle comme mes papiers, tu peux mes pieds conspirer, pire, espérer, voir me virer, tirer, fuir, me faire cuire, me cuisiner, mousiner. Ta fraise se cassera sur ma face si tu veux m'assassiner, me calciner. Pas besoin de me dessiner la suite, je connais la musique. Ton disque est truqué, tronqué, t'as craqué, t'as le trac. Mais c'est moi qui suis traqué, parqué, braqué. Aussitôt écarté, embarqué, tu joues les craqués. T'as ta matraque, mais la tête de craqué. Que t'as cela contre à protéger du parquet. Tu parles des bombes dans la France profonde. puis la France. Tu sondes, après tu poses une bombe et dans ton piège elle tombe, faisant de moi un ennemi public, l'ennemi commun au commun des coups qui croient ta politique. En me stéréotypant, tu fais croire que je suis flippant. Les flics en civil fouillent mes vêtements et ils font monter la pression. Garçon, j'ai bien l'impression qu'il y a une OPA sur l'immigration, c'est la crise. La douce France casse du bronze et bébé. T'achètes ton pain, t'as pas de papier, on se voit au double et d'emblée. Voilà pourquoi il y a du complot dans l'air, j'ai pas la couleur locale. Laissez-moi faire mes affaires, c'est nécessaire, frère, serre les coups de l'enfer qui sur terre les cons des cours. Les rues sont bons, des sourds sont les militaires. Mon service pour toi, c'est arrêté au bout des trois jours. Si tu es la lumière, je suis un abat-jour. Tu peux mentir dans tes informations, tu sais ça. Tu peux montrer l'Amérique du doigt, tu dois jouer les martyrs qui se protègent de l'immigration. En règle comme mes papiers, je m'occupe de ton cas, mon gars. Tu peux mentir dans tes informations, puis ensuite en public attaquer Buffa pour diffamation. Buffa ou un autre type qui perd à l'âne, un type notise, pousse à la tise, tout se concrétise. Pourquoi t'attises, dis-moi un vice, dis-moi un please, dis-moi pour un délit dont bis et ville, tu vois. Parfois ma voix s'envole et va de ville en ville, je n'ai plus la foi. Les gosses sont froids dedans et hors des bidonvilles, dortoir, ville, cite, ville et non des fils. Mais c'est toujours toi qui les gens enfiles, zoophile ou pervers, dans ton costard, sadomaso, frustré homme de pouvoir. Je vois la bave qui coule de ta bouche, ton air est louche, il te manque une fourche et tu fais une touche. Le diable a une vague crade, des innocents se font vache cra. Qui croit qu'il s'y va, ça ne va pas, qu'écra. Apprends le respect ou tiens, si tu veux le respect des miens. En attendant, retiens bien que tu peux mentir dans tes informations, tu sais ça. Tu peux montrer l'Amérique du doigt, tu dois jouer les martyrs qui se protègent de l'immigration. En règle comme mes papiers, je m'occupe de ton cas, mon gars. Tu peux mentir dans tes informations, tu sais ça. Tu peux montrer l'Amérique du doigt, tu dois jouer les martyrs qui se protègent de l'immigration. En règle comme mes papiers, je m'occupe de ton cas, mon gars. Tu peux montrer l'Amérique du doigt, tu sais ça. Faire croire qu'ici les tensions raciales n'existent pas. Faire croire que Fab est un parano, qu'il est mal dans sa peau, qu'il a mal et qu'il lui faut l'échafaud. Tu parles des effets, mais tu en es la cause. Je vois des innocents crever, tu vois la vie en rose ose. Parler quand on t'entend, avance avec ton temps et du cran. Comprends quand on est bas. Je porte les sales mamies du pays dans le cœur, consiste à peine et on est 13% chez toi. Tu voudrais bien qu'on y retourne, hein. Je débarque dans l'univers des nantis, les claques se perdent dans les gueules des dandies. C'est pas le pays de Candy, des Gandhi, si y'en a pas dit, mec on est au bandit. La France taxe les types au RMI, eh ouais. 10% qu'est-ce t'en dis quant à moi. Je bosse à 50 pour l'état proxo, pour l'état de mes droits. Je suis l'une de ses putes préférées, quoi. Avec 10% de ce putain de cerveau, c'est la servitude dans les blocs à Clairvaux. Ou nos ganaches qui servent au McDo, y'a pas d'arrache qui se paye pas un jour. Le 50-50 devient tout nada si tu casses de superbe lifting. Le zézoir n'a pas d'âme, madame. Pleine strasse à Panama, l'assemblée on ignore ce qui se passe sur le macadam. 20% de mes potes aujourd'hui scam, y'a plus de révolte en vue. Ce putain de pouvoir à ta quête brille le calme. Sur le terrain de football, ce petit gosse en veut. Mais 99% échouent et nous on prie tout sans Dieu. On est les seuls à croire au Père Noël jusqu'à 30 ans vieux. 80% des gens portent le triple 6 en eux. Marcher sur la tronche des autres pour une big lock et 300 types. Possède 50% des richesses du globe, c'est normal. Leur pantin en index sur un bouton. Et ce putain de peuple broute comme un mouton. Chez moi la flamme fait 30% atteint. Je fais mes comptes et ça veut dire qu'il y a minimum un type sur 3 qu'on devra claquer. The back au menu ce soir. Fiston, qu'est-ce qu'il en dit? Fini la paix à Marseille, on va rallumer l'incendie. En ce lendemain d'élection, j'ai si peur pour les miens. On prend les devants garçons pour museler les chiens. Oh, chaîne de vie, prédestiné à trop de cavales historiques, non. Front de libération de Mars, canal historique, lit dans mes yeux. Trop de rancœur, trop grand cœur, trop con, j'suis pas ton chanteur. Tueur collabo, poète planteur, planté au piquet depuis la maternelle. Couvé par le voile de l'amour maternel. On en oublie que rien n'est éternel, ni tes proches. Ce qu'il y a dans tes poches, moi j'en ai rien à foutre de la fauche. Heureux quand on accroche des sacoches. Y'a pas de degré d'inclinaison de mon corps. L'inclinaison de ma tête est une réponse directe à l'inclinaison de mon cœur. Des accusés, ma ville trône, ma trône sénile écœurée. Je griffonne ces lignes sur un vieux bout de papier. Y'a pas de degré d'inclinaison de mon corps. L'inclinaison de ma tête est une réponse directe à l'inclinaison de mon cœur. Pour Bénéchi ne connaît pas, je mettrai pas le genou à terre. Je resterai fier au nom de mes frères, je scelle ces mots d'un saut de fer. Y'a pas de degré d'inclinaison de mon corps. L'inclinaison de ma tête est une réponse directe à l'inclinaison de mon cœur. Mes phrases dérangent toujours aux alentours. J'arrêterai peut-être le jour où les êtres élus au deuxième tour cesseront de faire les sourds. Donne ma vision des choses par rose. Ose écouter qui veut la prose et parfois morose. Qu'est-ce que j'y peux? Mon âme déclame ce que voient mes yeux. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime écrire, ce que j'aime entendre. Des textes vrais sur des faits qui donnent envie de rendre. Faut pas vous méprendre. Le délire loue mon cerveau à l'année basanée. Je perds pas de vue ceux qui veulent m'étendre. Prêt à zapper, c'est mieux que se rendre. Il fallait pas nous chercher, fallait pas croire qu'on allait rester là, les bras croisés, à boire un thé quand la haine dure comme l'amitié. Tenace, elle persiste, invite les ex noirs sur la piste. Les lettres sautent, t'es noir et italien, pour six la liste, le kiste et les tempires. Et si on dit pas nous, qui va le dire? Et si on l'écrit pas, qui va le lire? Qui va s'en souvenir? Le pire, c'est qu'on n'est pas sûr que ça serve. Trahir, filer la gerbe, fuir n'existe pas. Trop de gens courtisent, GGN sème la gangrène sur Mars. Pendant 10 ans, j'ai porté ce nom avec fierté. Maintenant, j'hésite à le prononcer, jamais l'idée ne m'a effleuré. Fané, la rose du sud s'éteint, même Notre-Dame pleure. Sous la chaleur, les cœurs flétrissent. Toujours le front en sueur, la peur de l'autre donne des ailes. On se sent moins seul au pluriel, la tête pleine de rien. Les corps remplissent des bulletins criminels, les oubliés plient. L'état jouit, les jeunes jouent les bandits, les parents triment, s'usent la vie. Avec un job de jour, un job de nuit, un mec sur trois me vise et ça fout les glandes. Pense qu'il y en a plus d'une centaine auxquels je fais la bise. Ils cachent un couteau dans leur manche, le soupçon plane désormais. À tout moment, sur Saint-Fée, quelqu'un peut me saluer. Du genre, salut poteau, ciao enfoiré, même caché. Les bofs m'auront pas, la fierté du hip-hop sera pas la honte du pays. Je le dis en vrai, mais je croise les doigts, les mains aussi. Je prie pour la première fois que la catin d'aujourd'hui redevienne princesse d'autrefois. Entends-tu la voix du peuple? Écoute la voix du peuple. Entends-tu la voix du peuple? Écoute la voix du peuple. Je porte en moi la voix du peuple, dressée en contrefort. Atmosphère de combat, l'écho résonne comme un renfort. Prise de contact, je défends les faibles pour les rendre forts. J'éduque la plèbe, car le savoir est un rempart. Pour la ruche plaide, intransigeant pour mon confort. Je défends l'idée ancienne que le résultat fait pas l'effort. En désaccord perpétuel sur une mission personnelle, j'informe les masses dans un message rationnel. Femmes engagées, enragées dans un système infligé. Peuple dirigé par un pouvoir qui nous négligeait. Dans ma voix, la force pure pour traverser le silence. La voix de la minorité de nos cœurs s'élance, comme la tempête se déchaîne contre la mer inlassablement. La douleur du peuple se brise contre le plaisir des tyrans. Je sais que nos paroles dérangent, les vérités ne sont pas bonnes à dire. Sous prétexte qu'ils se vengent, ils souhaitent censurer nos dires. Pas besoin d'expliquer, ça devient psyché. Niquer, je viens kicker, quel bon je pique, le peuple ça fait tiquer. Triquer pour sortir, nos vies étriquées. Tu peux pas le quitter, non, le malheur ne cesse de traquer, de faire craquer. La vie faut te maquer, t'escroquer, ok. Pas toi, ou tu te fais croquer, pas à toquer. Tu penses qu'oublier ça me quitte l'eau. Je vois les jeunes s'arnaquer dans le bis de Cuplo. Serre les poings en l'air, la voix du peuple est claire. La voix du peuple s'exprime. Serre les poings en l'air, dis-toi privé. La voix du peuple est claire. La voix du peuple s'exprime. J'entends des cris en bas que je décris tout haut. Et si ça crie d'en bas, l'État fera pas de cadeau. C'est toujours ceux d'en haut qui parlent pour ceux d'en bas. Dans mon son coule le sang de se laisser absent du débat. Une pression sous silence pour une mentalité de soldat. Guerrier en civil dans des villes devenues des terriers. Mon peuple traité en reptile, diffuse sa rage sur des vinyles. Mais que reste-t-il pour un présent à varier? Démagogie, ontologie, la démocratie, hémorragie, barrage agit, la foi régie. Anthropophagie, préméditée par une technocratie. Si c'est le plus fort qu'on privilégie, je réagis, éduquer les masses et ma stratégie. Dans mes vers, la réalité profonde se réfugie. Je refuse l'ineptie, épaules et partent pas, abuse. La force de notre union ne doit plus rester en inertie. Je sais que t'es tenté d'écouter, je sais que tu l'entends, c'est tentant. T'es hanté, car cette voix est dégoûtée. Et pourtant, tu cours tant, t'es à la bourgan, tu le dis dehors, tu fourdans. Des sales problèmes quand elles crient et hurlent en silence. Après, c'est les voitures qui brûlent, les mères qui crient, les pavés qui se lancent. Y'a pas dans les urnes qu'on s'exprime, on t'exprime. Pas de frime, grand peuple est vexé car il trime. Donne ses burnes, on s'affirme, j'affirme qu'elle est ferme. Le monde du son qui frappe, impossible de zapper les lyrics d'un bon rap. J'ai l'art et la manière, l'arme et la bannière, l'arme comme des lanières. Son plan est de nous faire taire, l'ennemi caché derrière n'épargne personne. Notre voix, les frais, les chroniques, des frais, les faits dont nous payons les frais. Mais quand vient l'heure sonne et les plaies saignent, et les mêmes se plaignent, on assiste aux mêmes scènes. Mais tout ce qu'on gagne au bout, c'est qu'on nous rançonne. Celle qui se fait entendre, qui nous appelle tous, nous celle tous, on tue nos ambitions, ça on le décèle tous. Celle qu'on a marre, qu'on décide à sa place, et qui vaut mieux vivre, ça nous interpelle tous. Quand le message délivre, faut-il subir, souffrir, s'unir, lutter pour sa cause, s'instruire, ça explose. Quand ça s'expose au grand jour, temps de grandir, sois prêt quand t'arrives le grand jour. La voix du peuple est claire. La voix du peuple s'exprime. Serre les poings en l'air. Dis-toi privé. La voix du peuple est claire. La voix du peuple s'exprime. Entends-tu la voix du peuple? Écoute la voix du peuple. Entends-tu la voix du peuple? Écoute. Je crois qu'ils veulent non seulement... gérer la misère. Une répression qui porte justice. La répression par la police est de plus en plus brutale. L'enjeu, c'est le peuple. La haine naît de l'injustice et de l'humiliation. On ne tue que les gens qui gênent. Mettez la révolution dans la rue et vous la verrez reprise et portée par des millions d'hommes. Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Nous voulons restituer dans la mémoire collective de cette société la vie quotidienne et les événements qui marquent l'histoire des cités, des banlieues et des villes. Pour nous, un seul but, pour y parvenir, tous les moyens. Voici quoi le prochain? Non, non, vas-y, arrête ça. Arrête ça. Vas-y, jette-la directement, putain. Quand je continue de me donner le droit de penser, d'une classe protégée au pouvoir illimité, il manipule ce monde immonde où la terre n'est plus ronde sans se punir en mort. Car la raison du plus fort résonne, le carton te donne l'or. De te s'y mettre et d'accepter ton sort à tort, sans te battre ni combattre. Le pouvoir absolu détenu, avec la buveur des individus. Plein de vices, oui, plein de vices, plein de formes, de femmes, de fatigues. Alors je conteste par la prime, par le carton de mes rimes, le fait que le pouvoir puisse décider seul du sort du monde qui gronde sans cesse, sans faiblesse, cherchant la solution à leurs problèmes futurs. Ceux qui prennent de l'envergure au fur et à mesure que le temps passe, oui, leur suspense efface car le pouvoir en place n'est pas digne. L'impuissance est un signe révélateur, oui, je l'affirme, ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Il faut que tu le saches. Ouvrez les portes, la pression est trop forte, j'ai le mistral dans le dos. Non, sur moi, quand je m'emporte, on dirait que je n'ai non jamais je ne relance qu'une chaîne. Et ton micro, je détiens le pouvoir des mots. Absolue, Les magouilles politiques sont révolues. Churchill, le président, le seul, l'unique. Fais pas de mimique, envoyez-moi du fric, c'est logique. Le suffrage universel recèle de tas de trucs pour le portefeuille présidentiel, ministériel. J'en mets de côté et vous, le peuple, comme des pigeons, vous travaillez. J'ai des résolutions malgré tout. J'envoie Jeanne d'Arc griller sur un barbecue, ce n'est pas tout. Chalot beaucoup, c'est une cité, au banlieue, au lycée. Rien pour l'armée. Rictus, le bonus est une astuce de plus. Fontus pour la mauvaise série, mais du Ku Klux. Sérieux et justement cruel, ceux qui ont du diabète en chient du caramel. C'est par leur ignorance qu'ils brillent. Si les Congolais, ils seraient tous chefs d'escadrille. Cela concerne 10%. Joignez vos mains joyeusement pour accueillir le nouveau président. Voilà la vérité. Qui est-il? C'est moi, Chiro, le nouveau président. Voilà la vérité. Qui est-il? C'est moi, Chiro, le nouveau président. Voilà la vérité. Qui est-il? C'est moi, Chiro, le nouveau président. Voilà, voilà, voilà la vérité. Les médias sont invités à écouter ceci. J'ai mes souhaits pour l'avenir. Oui, je vais répondre à vos questions, mais d'abord patientez que je m'installe dans la salle avec mon DJ. Les micros carrés style Daniel Gilbert. Comme gifler, je veux des jours comme en concert. Sûrement je suis le premier président de l'univers à faire des conférences de presse en rapant. Original, les journalistes pètent un câble et comme des bulldogs se jettent sur ma table. François Hardy arrive en demandant votre signe zodiacal. Répondez franchement, sereinement, je réponds, je suis yin yang. Largement soleil, ascendant, bécan, fainéant. Je déteste travailler, préférant sérieusement m'instruire et chanter. Monsieur le Président, parlez-nous de votre campagne. Je l'avoue, j'ai eu du mal en France, intense, éprouvante et dense, vu la course pour la présidence. Quelle joie d'apprendre chez moi, comme cela que j'avais battu François. Allez, une poignée de main après assez, vous pouvez commencer à lustrer le grand palais de l'Élysée. Quand j'arriverai, voilà tout ce que je désire, poser mon cul sur un fauteuil en cuir et attendre des voyages admirables, tout ça sur le compte des contribuables impeccables. Mais tout le monde a une maison, les pauvres sont heureux comme des pédés en prison ou presque. Car je fous ce pointage, augmente tous les mois les chiffres du chômage. Dommage, je fais ce que je peux, mais j'envoie énormément de MC à la NPE. Scrute les yeux comme un Skyrab, enseigne les sciences égyptiennes et arabes. Au lieu de louer le bon vin et les jeux de chance, le vin et le fromage, seule fierté de la France. Mes absences sont justifiées, classiquées, même un président a le droit de s'amuser. Ma femme est cocu et alors, elle a des bois comme les élans du Grand Nord. Affirmatif, je suis positif, excessif, carrément pas récessif. Et déclare honorable que j'ai mis en équation intellect, tout humour égal à Kenaton. Hymne national pour l'éternité, instaure un culte de ma personnalité. Ego trip, c'est normal cependant, car voici triomphant le nouveau président. Voilà la vérité. Qui est-il? C'est moi, Chiro, le nouveau président. Voilà la vérité. Qui est-il? C'est moi, Chiro, le nouveau président. Voilà la vérité. Qui est-il? C'est moi, Chiro, le nouveau président. Voilà la vérité. C'est moi, Chiro, le nouveau président. Voilà la vérité. C'est moi, Chiro, le nouveau président.